Ne t'obstine pas à rester dans le noir. Écoute Sud-Est Radio, la seule radio à te garantir le meilleur de la musique caribéenne. Souk, compas, traditionnel. Sud-Est, c'est 100% musique. 100% musique. 100% musique. Jessica, Jessica, Jessica. Oh là là, vous mettez tête en bas, maman. Jessica, Jessica, Jessica. Oh là là, vous mettez tête en bas, maman. What? I don't care. passé. On va le faire intéressant sur vous. Maman de tout le monde qui l'a continué, regardez. Maman de tout le monde qui l'a continué, regardez. C'est bien tourné pour les piscines contre les chansons en soi-là. Levez tout pour lever les mains en l'air. Levez tout pour lever les mains en l'air. Levez-nous, levez-nous, levez-nous, levez-nous, levez-nous. Levez, levez, levez, levez, levez. Jessica, Jessica, Jessica, oh la la.